scientifiques actuels dont l'influence est de plus en plus grande sur notre existence. Voici réalisé par Paul Castan, l'émission de Paul Sarrez, Actualité. Le progrès et la vie. Rendez-vous à 5. Les années 60, une émission de Philippe Garby et Virginie Mourtet. Aujourd'hui, 1968, deuxième émission. Ne soyons pas impatients, ils finiront bien par arriver, les événements de mai 68. Pour l'heure, nous ne sommes que le 1er janvier. La veille, 31 décembre 1967, à 20h, le président de la République a présenté ses vœux aux Français. Le lendemain, 1er janvier 1968, c'est au tour de Vladimir d'Ormesson, président du conseil d'administration de l'ORTF, de s'adresser aux auditeurs et aux téléspectateurs. L'occasion pour lui d'évoquer ceux qui fournissent jour après jour, heure après heure, les émissions regardées et écoutées, le personnel de l'Office, et de célébrer discrètement le rôle moral, en quelque sorte, de ces programmes. L'Office est attentif que les parents s'occupent des enfants. Nous avons glissé cette nuit dans une année nouvelle. Que sera-t-elle ? Elle sera ce que les hommes la feront. Réponse évidente, mais qui n'est pas évidemment rassurante. Car les hommes, et les peuples qu'ils composent, créent eux-mêmes leur malheur et la plus grande part de leurs difficultés. S'ils apportaient sur le plan familial, national, international, autant de bonne volonté pour s'entendre et pour s'entraider, qu'ils en mettent souvent à se défier les uns des autres, à se nuire et à se combattre, le monde dans lequel nous vivons comporterait certes encore bien des ombres, mais il serait beaucoup plus heureux et beaucoup plus lumineux. Nous, Français, qui jouissons enfin de la paix, et c'est cela la condition essentielle du bonheur de vivre, nous souhaitons de toutes nos forces que cette paix règne enfin sur l'ensemble de notre petit globe. Dans une époque où la science et la technique accomplissent chaque jour des bonds de géants, où la distance est pratiquement abolie, où les conditions matérielles de la vie n'ont presque plus de rapport avec celles du début de ce siècle, la guerre constitue un anachronisme aussi abominable qu'insensé. Le vœu majeur que je forme donc sur ces ondes qui ne connaissent pas de frontières et qui portent la voix de la France partout sur la terre, c'est un vœu ardent de paix, et c'est le vœu d'ailleurs de tous les Français. Au nom de son conseil d'administration, je voudrais vous offrir aussi, chers auditeurs de la radiodiffusion et de la télévision française, les vœux de l'office que j'ai l'honneur de présider. On y travaille beaucoup dans cet office. On cherche à vous apporter ce que vous attendez de lui, c'est-à-dire le délassement, l'information, la connaissance du monde, la culture sous toutes ses formes et sous tous ses aspects. Bref, un enrichissement intellectuel quotidien. Sans doute, tout n'est pas de la même qualité et tout n'est pas parfait. Il en faut aussi pour tous les âges et pour tous les goûts. Mais vous rendez-vous compte de ce que représente le travail qui consiste chaque jour, pendant des heures et des heures, à fournir des émissions toujours différentes sur les trois chaînes de notre radiodiffusion et sur les deux chaînes de notre télévision. Et cet effort n'arrête jamais, et c'est même le dimanche où l'on travaille le plus. Beaucoup d'émissions demandent à être préparées des mois à l'avance, tant elles sont difficiles à mettre au point. Il en est d'autres, au contraire, où l'actualité exige qu'elle soit en quelque sorte improvisée. On dit souvent que l'ORTF est le plus grand théâtre de la nation. Mais quel est le théâtre, je vous le demande, qui pourrait ne donner qu'une seule représentation de ses pièces les plus réussies ? chers auditeurs et chers téléspectateurs, qui êtes parfois portés à critiquer ceci, à regretter cela, car chaque Français voudrait une radio et une télévision faites pour lui-même. Je vous demande donc de penser à l'énorme, à l'incroyable, au prodigieux effort que font pour vous, à tous les échelons, ceux qui vous fournissent jour après jour, heure après heure, les émissions que vous écoutez et que vous regardez. Croyez-moi, moi qui les vois travailler de près, je puis vous assurer qu'ils font tout et au-delà de tout pour vous satisfaire. On a beaucoup parlé ces temps derniers à propos de l'abominable crime de Versailles, de la responsabilité que portaient les moyens audiovisuels de la vie moderne sur les jeunes sensibilités. Soyez sûrs que ce problème nous a depuis très longtemps préoccupés et que nous en considérons la gravité. Il ne relève d'ailleurs pas seulement de l'ORTF. La presse, les magazines, le cinéma, les affiches publicitaires, une certaine littérature sont tout aussi concernés que nous. Et il s'agit là de l'un des problèmes les plus redoutables de la vie moderne. Il est certain que les jeunes sensibilités doivent être ménagées. Nous avons pris et nous prendrons des mesures pour limiter au maximum cette influence et ces dégâts possibles. Mais nous ne pouvons rien sans le concours des parents. C'est à eux à surveiller leurs enfants et notamment à tenir sous clé leur appareil de télévision quand ils ne sont pas là et ne peuvent pas eux-mêmes surveiller leurs enfants petits. L'année 1967 a marqué un important progrès puisqu'elle a vu apparaître la couleur sur la deuxième chaîne de télévision et que beaucoup d'émissions s'en sont trouvées transformées. Sans doute faut-il encore un peu de temps pour que la seconde chaîne soit implantée sur l'ensemble du territoire national, quelques temps aussi pour que les appareils recevant la couleur soient d'un prix plus abordable. Mais ceci et cela viendra à coup sûr. Et l'apparition de la couleur est une grande réussite, un grand progrès, dont nous avons le droit d'être d'autant plus fiers qu'il s'agit d'une invention française. Je tiens à associer à ces témoignages et à ces vœux tout le personnel de l'Office de radiodiffusion et télévision française, à quelque niveau, à quelque échelon, à quelque station qu'il appartienne, ceux qui travaillent en France et ceux qui travaillent au loin. Tous accomplissent la tâche qui leur est confiée avec un sens élevé de leurs responsabilités et de leur rôle. C'est qu'aussi tous sont conscients d'être utiles à la nation. Ils vous apportent quelque chose d'essentiel dans la vie, puisqu'il s'agit de votre détente après la journée de labeur, de votre besoin de connaître, de votre curiosité, de votre intérêt. Ils ne concourent pas à l'élaboration d'une simple matière. Ils élaborent quelque chose qui est aussi indispensable à l'homme que la matière, et c'est la vie de son esprit. Je tiens donc, au nom du conseil d'administration, et j'en suis sûr, au nom de tous les auditeurs et téléspectateurs, à leur exprimer ici toute notre gratitude et tous nos vœux, à tous ceux qui m'écoutent, et de tout mon cœur, bonne année. C'est M. Vladimir Dormesson, président du conseil d'administration de l'ORTF, que nous venons donc d'entendre. Ni le général de Gaulle, ni le président du conseil d'administration de l'ORTF, de leur propre aveu, ne savent ce que sera 1968. Par chance, tout le monde n'est pas dans ce cas. Témoin ce reportage en fin de journal parlé. Et à présent, si l'on jetait un coup d'œil un peu particulier sur 68, à grand renfort de mares de café et de boules de cristal. Christiane Paulfort, qui en fréquente assidûment les spécialistes, est allée voir deux de ses amis, dont l'occupation, sinon le métier, est de prédire l'avenir. Mesdames Luce Vidi et Védrine Montarlot, oui, c'est leur nom. L'année 1968 va être une année de gestation, d'organisation nouvelle, de lois nouvelles. Il n'y aura pas de guerre mondiale. Les points les plus brûlants, les plus éprouvés, les plus dangereux resteront le Vietnam, la Palestine, pendant une partie de l'année. Moi, je pense que cette année sera tout de même calme, malgré quelques soulèvements importants des masses paysannes, provoquant des remous. Alors, ceci en France. Oui, ceci en France. 1968 verra de nouvelles élections aux États-Unis. Moi, je pense que le président Johnson ne sera pas réélu. Il sera certainement battu par un membre de la famille Kennedy, qui apportera d'importantes solutions aux problèmes noirs. Revenons en Europe. L'Angleterre connaît une crise difficile. Est-ce que 68 verra une amélioration de sa situation ? Au point de vue de l'Angleterre, je vois surtout une crise conjugale pour le couple royal. Les soucis personnels de Sa Majesté Elisabeth peuvent même altérer sa santé. La Chine ? Le chef chinois est menacé cette année de graves soucis dans sa santé. Il peut finir brusquement s'il continue à prendre de l'embonpoint parce que son cœur est en danger. Passons à l'Iran. Il y a grave danger pour le chat dont la santé donnera des vives inquiétudes, surtout localisées dans le tube digestif. Et nos vedettes ? Alors, je crois que le boom de l'année, c'est certainement une promesse de maternité pour Brigitte Bardot. Et pour les automobilistes, comment se présente 1968 ? Il y aura de plus en plus des automobiles. D'ailleurs, on verra certainement un nouveau mode de réglementation pour la circulation automobile, surtout à Paris et dans les grandes villes. Ça commencera d'ailleurs à faire beaucoup parler. On envisagera très sérieusement un système d'autorisation de circuler basé sur les chiffres. Les voitures seront autorisées à sortir certains jours selon leur numéro minéralogique. Les Français s'intéressent beaucoup au progrès scientifique et à la médecine. Je vois qu'un chirurgien, un spécialiste du cerveau, découvrira l'existence de l'homme sous son scalpel. Et si nous finissions sur une note gaie, les femmes aimeraient savoir comment elles seront habillées l'année prochaine ? Moi, je pense que le printemps 68 s'éveillera dans un froufrou romantique qui tendra à nouveau à instaurer les charmes de la taille de guêpe. Même le chapeau voilette fera son apparition. Eh bien, vous voilà fixé de la santé du chef chinois au chapeau à voilette. Il y avait un piège, là. Les anciens interrogeaient bien les entrailles du poulet et tiraient des conclusions du vol des oiseaux. Nous sommes donc dans la ligne. En attendant, il faut penser à des choses plus terre à terre. C'est dans l'émission Interservice Social que l'on découvre les nouveautés de ce début d'année. Thank you. Inter-service social. Au micro, Roger Michaud, qui vous souhaite une heureuse année au nom de l'équipe des informations sociales de France Inter. Ce matin, je voudrais rappeler un certain nombre de mesures sociales qui vont entrer en application le 1er janvier. Il y aura tout d'abord l'augmentation du SMIG et du SMAG. Le SMIG passe à 2,22 l'heure en zone 0 et le SMAG à 1,92 francs. Et le maximum d'abattement n'est plus maintenant que de 2%. C'est également le 1er janvier que sera généralisée l'assurance chômage paritaire des ASEDIC à l'ensemble des professions. Seules exceptions, les travailleurs agricoles et les gens de maison dont le cas sera examiné ultérieurement. Notons aussi le relèvement de la cotisation ASEDIC qui passe au total à 0,35% du salaire pour la double cotisation ouvrière et patronale. Un droit nouveau voit également le jour avec la nouvelle année, l'intéressement des travailleurs. Pour l'instant, la mesure est limitée au secteur privé et seulement dans les entreprises de plus de 100 salariés. Mais les droits acquis à partir d'aujourd'hui ne seront disponibles pour les travailleurs que 5 ans au mieux après la fin de l'exercice 1968, c'est-à-dire en 1974, et évidemment si leur entreprise a réalisé des bénéfices. Les fonctionnaires mettent également en place, à partir d'aujourd'hui, leur régime de retraite complémentaire, la Préfond. Côté sécurité sociale, à noter tout d'abord le relèvement du plafond qui passe mensuellement de 1140 francs à 1200 francs pour suivre l'augmentation moyenne des salaires en 1967. Relèvement aussi du minimum vital des personnes âgées et des invalides. Les diverses allocations de base passent à 1450 francs par an et l'allocation complémentaire à 850 francs. Ce qui porte de 2200 à 2300 francs par an les ressources des vieillards et infirmes n'ayant pas cotisé à la Sécurité sociale. Notre adresse, service d'information sociale du journal Parler, bureau 3337, maison de l'ORTF, Paris. On notera que désignée comme personnes âgées et invalides, cette catégorie redevient vite, crainte de la répétition sans doute, celle des vieillards et infirmes. On s'en souvient, une voyante annonçait le 1er janvier que le printemps 1968 allait être froufroutant et romantique. Rubrique mode dans Madame Inter, le 15 janvier. Madame Inter ! Troisième heure ! Annick Beauchamp. minutes, mais à 16h10, n'oubliez pas que nous recevons Charles Aznavour à cœur ouvert dans quelques minutes. Et puis après, Michel Piccoli. Mais tout de suite, Victoire. Victoire, approchez-vous du micro. Oui. Bonjour Victoire, bonjour. Je vous présente un tout petit peu, au cas où par hasard, quelques auditrices ne sauraient pas qui vous êtes, ce qui paraît étonnant. Oui. Vous fûtes un des mannequins vedettes de Dior. Le plus petit mannequin de Dior. Ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai? Ah, vous voyez comme les légendes sont vite faites. Et vous venez d'ouvrir une boutique de mode chez François Patrice, c'est pour ça qu'on vous appelle Victoire la nuit. Oui, ça, en tout cas, la boutique s'appelle Victoire de la nuit. Oui, et puis vous aussi, par la même occasion. Oui, mais je suis aussi Victoire du jour. La preuve, c'est que vous êtes là. Bon, alors, je voudrais que, en deux mots, puisque maintenant, c'est notre rubrique mode qui arrive, je voudrais que vous m'expliquiez quel genre de femme vous voudriez habiller. Est-ce que vous repartez vers Bonnie and Clyde? Est-ce que vous voulez... Non, enfin, ça dépend. Parce que pour moi, Bonnie and Clyde, c'est très drôle, c'est très amusant. Et puis, c'est tout à fait dans le coup et dans notre époque. Mais oui. Je vois une Bonnie habillée de court et pas en long. À la 1930. Oui, elle peut avoir un feutre, enfin un chapeau ou un bonnet, elle peut avoir les mêmes sentiments, mais pas forcément en jupe longue. Ah bon, ça c'est déjà noté. Alors quelle va être la femme? Jupe courte, c'est sûr, mais un peu romantique quand même? Romantique sûrement, elle aura, enfin pour moi en tout cas dans la boutique, il y aura des ensembles en flanelle gris à rayures blanches ou blanche à rayures grises, avec une veste assez longue, une jupe très courte, des petites bottes et un bonnet et certainement un camélia sur la veste. Mais dites donc, elle va être extrêmement sexy, cette oui. femme. Hein. Quelles sont les couleurs, en dehors du gris et du blanc et du noir? Bien justement, du gris, du blanc et du noir, du rouge. Le camélia? Le camélia, surtout. Oui. Rien de plus? Pas de choses un peu excentriques? Pas si, de... beaucoup de bijoux. Ah, bon, très bien. Des goûts de bijoux, les bottes, j'ai noté, vous beaucoup savez. Beaucoup de bijoux, pas trop de chaînes. Pourquoi? Parce que c'est embêtant d'enchaîner cette femme tout le temps. Elle est enchaînée depuis des années maintenant. Ah, vous êtes pour l'émancipation de la femme? Oui. Vous voyez comme quoi tout part au fond de l'intention qu'a le couturier au départ. Oui. Si le couturier décide que la femme va être émancipée, eh bien la femme finit par être émancipée. Oui. Vous êtes d'accord? Absolument. Ça marche bien votre boutique? Très bien. Il y a beaucoup de femmes qui viennent acheter des robes chez vous le soir? Il y a beaucoup de femmes qui viennent acheter des robes. En dansant. Il y a beaucoup d'hommes qui viennent acheter des chapeaux melons. Tiens, vous vendez également des chapeaux melons pour les hommes. Rien que ça pour les hommes? Non, des kimonos aussi. Ah, ça se porte beaucoup le kimono avec le chapeau melon? Peut-être. Il faudra que j'aille faire un tour en tout cas. Merci de nous avoir donné ces précisions et de nous avoir expliqué où se trouvait cette nouvelle boutique ouverte depuis... 5 jours. C'est tout nouveau, c'est pour ça qu'on en parlait. Nouveau. Au revoir. Du bleu, du gris, du noir, un peu de rouge. Oui, il semble que le rouge allait être la couleur du printemps. Mais le printemps est encore loin. La preuve, nous sommes à nouveau le 1er janvier sur France Culture. Et c'est évidemment la première émission de l'année de la série « D'un jour à l'autre ». Et il est question des enfants et de leur avenir. France Culture, d'un jour à l'autre, ou d'une année à l'autre, une émission de Jean Chouquet présentée et préparée par Hélène Tournay et Jean-François Noël, et réalisée avec le concours de Gilbert Maurice Duprez et François Le Targa. Au micro Bertrand Jérôme, ce soir 1er janvier 1968, bonne année. Bonne année. Bonne année. Ouvrons sur les enfants une enquête actuellement. Gérard Vincent, pourquoi cette enquête sur les enfants? Alors le but de cette enquête est de donner la parole aux élèves, une parole d'ailleurs écrite pour des raisons de commodité de l'enquête. Alors à cette fin, j'ai fait composer les élèves dans toute la France sur deux sujets. Le premier sujet est à peu près libellé de la façon suivante. Décrivez votre établissement scolaire tel que vous voudriez qu'il soit en 1987. Et le second sujet est un sujet d'autobiographie de l'avenir. Racontez votre vie d'aujourd'hui dans les 50 prochaines années. Et quand aurons-nous le résultat de cette enquête qui suivra celle que vous avez publiée chez Armand Collin, les professeurs du second degré? Oh, sans doute pas avant 2 ou 3 ans, parce que... j'ai voulu donner la parole aux enfants en leur posant des sujets ouverts. Ne pas distribuer un questionnaire, mais les faire parler. Ce qui pose alors de gros problèmes d'exploitation. C'est-à-dire qu'ils écrivent, somme toute, une rédaction. Exactement. Qui est anonyme, je crois. Qui est anonyme. Mais ils indiquent leur âge, la profession des parents. Alors j'étudie les résultats en fonction des variables fondamentales, qui sont leur âge, leur sexe, leur date de naissance, le type d'établissement dans lequel ils sont et le lieu de cet établissement, la profession des parents, etc. Bernard Jourdan, qui est l'auteur de Saint-Picoussin, de Douleur des reins et de plusieurs recueils de poèmes, vous êtes également professeur. Vous êtes venu aujourd'hui au studio 109 avec 2 élèves, qui ne sont pas des vôtres, mais 2 élèves. Et dans votre classe, on a déjà répondu à cette enquête. Quelles sont les conclusions que vous tirez? Avez-vous trouvé des constantes, par exemple, dans les réponses des élèves? C'est-à-dire, j'ai eu à peu près 80 copies entre les mains. Donc, qui pour moi ne sont pas anonymes parce que je sais qui les a écrites. Et je les ai lus et je peux dire qu'on y a appris des choses vraiment passionnantes. D'abord, l'enquête m'a intéressé, moi, parce qu'elle m'a permis quelquefois de mieux connaître des élèves que j'ai avec moi depuis plusieurs mois ou même quelquefois 2 ans. D'un autre côté, dans le cadre de l'enquête, j'ai pu relever un certain nombre de constantes dont je peux vous parler, et j'ai remarqué par exemple qu'il y a une chose où dans l'ensemble ils sont violemment pour, c'est le mariage. Et le mariage avec qui? Ont-ils une idée? Ah oui, oui. J'ai l'impression que toutes les filles qui ne sont pas très jolies vont rester célibataires. Parce que j'en ai un, par exemple, qui me dit que à 21 ans, je me fiancerai avec une très jolie Suédoise. Un autre qui me dit « Je me marierai avec une brune aux yeux verts », etc., n'est-ce pas ? Et ensuite, tous ces mariages, dans l'ensemble, seront des mariages heureux. Nous y reviendrons tout à l'heure. Mais une autre constante, et là, alors, ils sont très violemment contre, c'est le service militaire. Ah, et pourquoi ? Tous ces jeunes gens trouvent d'abord que c'est trop long. Ils disent dans l'ensemble que 6 à 10 mois, ce serait largement suffisant. Ensuite, ils disent qu'on s'y embête. Et troisièmement, ils disent qu'on y perd son temps parce qu'on n'y apprend pas de métier. Et que quand on sort de là, eh bien, on n'en sait pas plus que quand on y était entré. Et prennent-ils position à propos des guerres que nous avons toujours ? À propos des guerres, il y a à peu près 20% au maximum des copies qui y font allusion. Et on a l'impression que dans leur idée, il y aura, mais pas encore maintenant, il y aura un grand conflit mondial qui sera une guerre entre la Chine d'un côté et la Russie alliée aux Américains de l'autre. J'ai trouvé ça dans 5 ou 6 voix et j'ai constaté que tous disait que les Chinois seraient gagnants. Et prévoit-il d'apprendre un métier, ces enfants, entre 14 et 15 ans ? C'est un âge d'orientation, comme l'on dit maintenant. Savent-ils à peu près ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils ont envie de faire ? Non. Ils sont convaincus tous qu'ils auront un excellent métier, mais ils ne savent pas très bien lequel. Ce qui ne les attire pas, en tout cas, ce sont les métiers avec uniforme, que ce soit militaire, que ce soit agent de police, tout ça, ça ne les intéresse pas. L'uniforme a perdu son vrai style. Ah, il faut croire, oui. Ensuite, n'est-ce pas, il y en a quelques-uns qui ont des idées très arrêtées. J'ai par exemple trouvé un élève qui dit qu'il fera de la photographie et qui nous a expliqué comment, tout au long de sa vie, il réussira à monter 5 ou 6 magasins. Et tout ça marchera, bien entendu, et je suis convaincu que c'est un gars qu'il faudrait absolument diriger vers une école de commerce. Il y a une chose très étonnante, c'est que cette semaine, la délégation à l'aménagement du territoire publie une revue qui s'appelle En 2000, et dans cette revue, il y a une enquête faite auprès d'adultes. Et 72% des adultes français qui imaginent ce que sera la vie en l'an 2000 ont très peur du chômage. Est-ce que les enfants pensent la même chose ? Oui, j'en ai trouvé quelques-uns qui considèrent qu'on est vraiment beaucoup trop nombreux et qu'avec la mécanisation constante, il se peut très bien que beaucoup d'entre eux ne trouvent pas de travail. Maintenant, attention, n'est-ce pas ? Le problème pour eux est un problème absolument citadin, je dirais même parisien. Si on dépouillait des copies qui viennent de la campagne, les problèmes se poseraient peut-être d'une autre manière. Oui, vous ne pouvez donner qu'un point de vue fragmentaire, parce que ce sont quelques élèves d'un même établissement et à Paris. Et uniquement des garçons. Uniquement des garçons. On ne peut pas extrapoler, évidemment, les réponses de ces élèves parisiens aux élèves de toute la France. Mais l'impression générale, il y a une certaine confiance dans l'avenir, malgré tout. Et le problème du chômage ne semble pas être obsédant pour eux. Qu'est-ce que vous attendez exactement de ce genre d'enquête ? Vous nous avez dit que c'était très ouvert et que vous attendiez les résultats pour vous prononcer, mais tout de même, au départ, quelle est votre idée ? Qu'est-ce que vous voulez ? Que les enfants se projettent, et c'est pour avoir une meilleure connaissance des enfants dans le présent ou pour avoir une projection de ces enfants dans l'avenir ? Les deux, certes, mais j'avoue qu'en fonction de la manière dont ils voient leur avenir, j'espère déceler la façon dont ils se comportent et dont ils vivent leur présent. C'est ça. Et vous, ce qui vous intéresse particulièrement, Bernard Jourdan, ce sont ces copies en fonction des élèves que vous connaissez, car vous m'avez dit tout à l'heure qu'ils s'y révélaient particulièrement, et plus peut-être qu'à travers des copies où ils traitent un sujet classique. Oui, bien sûr, parce que, par exemple, je vais vous donner un exemple très précis. Parmi tous les devoirs que j'ai donnés, et au cours de conversations que j'ai avec eux, jamais une fois je n'ai osé évoquer devant eux le problème de la mort, surtout de la leur. Et spontanément, ils l'ont traité. Spontanément, ici, j'ai trouvé un certain nombre, presque tous, n'est-ce pas, ont une conception de la mort qui leur est personnelle. Et par exemple, il y en a un qui dit « Quand je serai mort, J'aimerais avoir une tombe bien fleurie avec une belle pierre de marbre aux côtés de ma femme pour finir ma vie en beauté. On a l'impression que tous veulent se faire enterrer à côté de leur épouse. J'en ai encore une autre. Ça parle. Bah, j'ai beaucoup de papier là-dedans, je m'excuse un peu. J'en ai une autre qui dit ceci. Ça, c'est, je trouve ça très émouvant, surtout parce que je connais la situation personnelle du petit gars. Il dit « Si je meurs avant ma femme, je voudrais qu'on nous enterre ensemble, mais surtout pas de fleurs ni de pleurs. Si quand je mourrai, elle est assez jeune, qu'elle refasse sa vie et m'oublie, mais pas tout à fait. » Et quand je pense que c'est un gamin qui a à peine 14 ans qui a écrit ça, je trouve ça vraiment très, très, très émouvant. Nous revenons à cette enquête sur les enfants, car nous avons avec nous dans ce studio de jeunes gens, ce ne sont plus des enfants, ils ont 13 ans et demi, 14 ans je crois, ils s'appellent Jean-Gabriel Joannic et Daniel Le Carec. Ils étaient un peu embarrassés tout à l'heure parce qu'on lisait des extraits et on parlait de cette enquête et de ce que pensaient leurs camarades. C'est toujours un peu gênant qu'on lise sa propre copie à haute voix ou qu'on parle de ces sujets qui sont un peu personnels. Ah, mais ça n'était pas les propres copies. Daniel, qu'avez-vous dit vous dans votre copie, si on peut vous demander ? Oh, ben, j'ai dit surtout que j'allais continuer jusqu'au bac à travailler et après faire un travail quelconque. Qu'est-ce que tu entends par un travail quelconque ? Tu as une idée précise ? Oh non, vraiment pas. On travaille combien de temps dans la vie à votre idée ? Oh, de 25 à 55 ans environ. Et avant 25 ans, que fait-on ? Oh... Ah. Et après ? Après, ben, on est à la retraite. On fait encore une vie comme avant 25 ans. Tu es optimiste ? Vous avez l'impression que vous prendrez un métier à 25 ans et ce métier, vous le continuerez jusqu'à l'âge de la retraite ? Ben oui, mais... Ça vous inquiète l'idée que... il va falloir trouver un métier qu'il va falloir bien choisir et que ce métier va être une ligne comme ça jusqu'à la fin de la vie, ou bien vous auriez envie de changer dans le cours de votre vie, ou vous voulez au contraire que ce métier soit une ligne bien, bien définie? Ça dépend, on ne peut pas savoir maintenant. Mais ça ne vous inquiète pas? Oh non. Non, pas du tout. Vous voyez l'avenir avec espoir. Daniel, moi il y a une chose qui m'étonne, c'est que j'ai lu des copies de quelques-uns de vos petits camarades ou d'autres écoles, et... Ils pensent qu'ils auront tous un appartement. Ils ne pensent pas au problème du logement, mais aucun n'envisage de vivre avec sa belle-mère ou avec son beau-père. Et vous, dans votre devoir, vous dites que lorsque vous serez vieux, vous irez vivre chez votre fils, chez l'un de vos fils. Oui. Il y a quelqu'un qui est escamoté dans le circuit. Vous serez le beau-père. Vous ne voudriez pas vivre avec votre beau-père, mais vous iriez volontiers chez votre fils. Ben oui, bien sûr. Jean-Gabriel, vous voulez bien nous lire vous-même la deuxième partie de votre devoir? Oui, je veux bien. Alors, j'aimerais faire du sport, du rugby, du cheval. Je n'aime pas la ville et ne veux pas y travailler. Je n'aime pas l'époque qui vient parce que les hommes vont tout détruire. Il n'y aura presque plus de nature. J'aime l'espace, le calme. Je voudrais vivre en France. J'aimerais travailler tout près de chez moi et y aller à pied. Je ne voudrais pas de robot dans ma maison parce que ça ne vit pas. Enfin, ça ne pense pas. Surtout pas de chauffeur dans ma voiture. Je veux être libre et ne pas devenir un robot. Je veux avoir des opinions personnelles et faire ce que je veux. Je voudrais que mon pays reste ce qu'il était. J'espère qu'il n'y aura pas de chanteurs aussi stupides qu'aujourd'hui. D'un jour à l'autre, Les enfants et leur avenir, première diffusion sur France Culture le 1er janvier 1968. Je l'ai vu près d'un laurier, elle gardait ses blanches brebis. Quand j'ai demandé d'où venait sa peau fraîche, elle m'a dit: c'est roulé dans la rosée qui rend les bergères jolies. Mais quand j'ai dit qu'avec elle je voudrais y rouler aussi, elle m'a dit: Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantines. J'ai cueilli des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, attendu, elle n'est jamais venue. Zaï, zaï, zaï, zaï. Zaï, zaï, zaï, zaï. Zaï, zaï, zaï, zaï. Zaï, zaï, zaï, zaï. À la foire du village, un jour je lui ai soupiré que je voudrais être une pomme suspendue à un pommier, et qu'à chaque fois qu'elle passe, elle vienne me mordre dedans. Mais elle est passée tout en me montrant ses jolies dents. Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantines. J'ai cueilli des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, attendu, elle n'est jamais venue. Zaï, zaï, zaï, zaï. Zaï, zaï, zaï, zaï. Zaï, zaï, zaï, zaï. Zaï, zaï, zaï, zaï. Elle m'a dit d'aller siffler là-haut sur la colline, de l'attendre avec un petit bouquet d'églantines. J'ai cueilli des fleurs et j'ai sifflé tant que j'ai pu. J'ai attendu, attendu, elle n'est jamais venue. Zaï, zaï, zaï, zaï. Zaï, zaï, zaï, zaï. Zaï, zaï, zaï, zaï. Zaï, zaï, zaï, zaï. Wow. Wow. Wow. Wow. Il ne faut pas imaginer que l'on a attendu le printemps 68 pour parler des universités. L'émission qui suit en est la preuve. On y évoque un colloque de 1967 envisageant les perspectives qui pourraient ébranler enfin l'appareil universitaire français. On se demande ce que doit être une véritable université, on critique l'enseignement en chaire et l'on parle aussi de la laideur des bâtiments français. Et Paul Ricoeur interroge et répond à ses étudiants. Recherche de notre temps. Recherche de notre temps, les universités nouvelles. Une suite d'émissions proposées par Colette Garrigue avec la collaboration de Claude Frère. Ce soir, première partie, pour des universités. Si l'on évoque en France le terme « université », on ne lui donne guère d'autre signification que l'idée d'enseignement supérieur dans son ensemble, celle-ci évoquant à son tour aussi bien le corps enseignant qu'un certain nombre de bâtisses de style médiocre, tel l'édifice en forme de gare de la rue des Écoles, séculairement revêtu du nom prestigieux de Sorbonne. Si par contre on se promène entre Oxford et Cambridge, on s'aperçoit que le même terme « université » recouvre un prodigieux phénomène architectural où collèges, bibliothèques, traditions fleurissent sur d'immenses prairies gazonnées autour desquelles une ville s'est constituée. Si de surcroît il est donné de visiter Coimbra, Salamanque, Padoue ou Göttingen, il est alors permis de se demander pourquoi il n'a jamais été accordé à l'université en France cette consécration esthétique et l'édification d'un lieu accompli voué à la formation et à l'admiration des générations successives, alors même qu'au XIIIe siècle, elle en avait fourni une institution exemplaire. un mot commence à faire fortune en France, est-il latin, est-il franglais, qui veut recouvrir pourtant une réalité universitaire nouvelle dont le modèle nous vient d'outre-Atlantique, le campus. Aux États-Unis, les universités de Harvard, Columbia, Yale et bien d'autres ont leur campus, littéralement le champ, c'est-à-dire ce lieu gazonné lui aussi qui relie non seulement les édifices universitaires entre eux, mais surtout les étudiants et leurs maîtres et les professeurs des différentes disciplines entre eux. Le deuxième colloque de Caen, il y a un peu plus d'un an, a voulu jeter les bases de telles perspectives qui pourraient ébranler enfin l'appareil universitaire français. Si cela paraît encore improbable dans les corps traditionnellement constitués, chaque discipline enfermée dans sa faculté séparée, hiérarchiquement organisée, pourrait-on alors attendre cette tentative de renouvellement des jeunes universités de la Couronne, récemment créées pour décentraliser l'université parisienne, et qui viennent de naître à Nanterre, Amiens, Orléans et ailleurs. Cette réalité collégiale que l'on peut rencontrer encore ici et là dans les universités étrangères, était-il possible de la recréer dans ces nouveaux campus qui entourent désormais la région parisienne, destinés au reste à fragmenter l'université de Paris, malade de gigantisme? Était-il possible d'y créer l'espace vital et mental nécessaire à un véritable mode de vie universitaire? Mais avant de nous rendre sur place à Amiens, Orléans et Nanterre que nous avons choisi pour mener cette enquête, nous avons demandé à deux universitaires de disciplines différentes mais qui ne peuvent manquer de se rencontrer désormais, un mathématicien André Lichnerovitch et un sociologue Alain Touraine, de définir après le colloque de Caen ce que devrait être une véritable université répondant aux exigences de la société actuelle et à laquelle au reste ils tentent de donner vie. Je crois que ceux qui ont pris l'initiative du colloque de Caen n'ont pas du tout dans l'esprit de remplacer une formule vieillie par une autre formule qui serait, elle, destinée à durer des siècles parce qu'elle serait enfin satisfaisante. Le grand problème, c'est que notre système universitaire était très mal fait pour s'adapter au changement et ne s'y est adapté que par crise, et aucun système ne peut vivre une crise tous les 2, 3 ou 5 ans. Le Collège de France est né d'une crise de la connaissance au moment de l'humanisme. L'École des hautes études et d'autres organismes sont nés d'une crise qui était l'introduction de la philologie ou des sciences expérimentales au XIXe siècle. Le CNRS est né d'une crise qui était l'apparition de la recherche collective dans les laboratoires de physique ou de sciences de la nature. Maintenant, nous avons en plus l'éclatement démographique et il faudrait aller si vite, il faudrait changer si souvent que notre système lourd et bien organisé, si l'on peut dire, au moins dans les principes, est tout à fait incapable de se transformer à cette vitesse. Il s'agit donc aujourd'hui non pas d'imaginer une forme nouvelle d'université, mais d'imaginer un type d'organisation qui soit capable de changer, c'est-à-dire de s'adapter à des exigences nouvelles, donc de faire pour l'université ce que l'on fait pour toutes sortes d'entreprises, de ne pas se laisser guider par un système de règles, mais par des objectifs. Et donc, de faire des universités qui soient avant tout des unités responsables d'elles-mêmes, capables d'agir en fonction de leur avenir, en fonction des demandes de la société, et en fonction de tout un rapport de force, car il faut que ces universités soient à la fois, je disais, responsables, c'est-à-dire autonomes, et en même temps, influencées par le reste de la société, car le fait étrange de nos universités, c'est qu'à la fois elles ne disposent pas de liberté de manœuvre à l'égard des règles juridiques et administratives, et en même temps qu'elles sont closes. Car après tout, la dépendance de l'État et de l'État napoléonien avait du bon, dans la mesure où cet État était porté par une transformation sociale, et était porteur d'idées nouvelles, de catégories sociales nouvelles, etc. Aujourd'hui, nous avons un mélange de corporatisme et de gestion administrative étroite. Nous voulons, je pense, tous à la fois une université responsable à l'égard de la société et à l'égard d'elle-même. Notre grand problème, c'est que nous voulons un milieu qui soit le milieu où se rencontrent tous les thèmes dont l'union forme la culture, au sens de l'ensemble des thèmes autour desquels s'organise la réflexion et l'affectivité d'une époque. Or, si nous prenons la France, pays de règles, pays de droit, pays de pouvoir, nous avions un système qui valait ce qui valait. C'est que, à côté du monde de la règle et du monde du pouvoir, nous avions les intellectuels. abrités parfois par l'Église, ou plus souvent libres. Et ceci demeure. Nous avons une intelligentsia qui a une puissance extraordinaire, une liberté extraordinaire, parce que c'est un pouvoir compensateur du pouvoir politique. Mais aujourd'hui, je pense que ce type de rapport ne va plus. Ne va plus en particulier parce que les thèmes de la culture sont plus scientifiques, sont plus techniques, en même temps que non scientifiques et non techniques. Et nous avons besoin, l'État lui-même change en nature, d'un milieu d'institutions pour la formation de la culture. L'université française n'a jamais été faite pour élaborer la culture. Nous avons besoin maintenant d'institutions qui élaborent la culture. Et là, c'est un point, je crois, sur lequel on peut s'attarder un moment, car je crains un petit peu. Autant je suis d'accord avec le thème de la souplesse de la formation de ces universités nouvelles, autant je crois qu'on pourrait s'inquiéter si l'on disait que ce seront en fait des facultés, mais souples, mais à contenu variable. Il faut qu'il soit bien entendu qu'au fond, rien de ce qui est essentiel dans la culture d'une époque ne doit être absent d'une université. Je veux dire, j'ai beaucoup de peine à imaginer personnellement une université où on n'enseigne pas de mathématiques. J'ai pas mal de peine à imaginer une université où on n'enseigne pas la musique. Je n'imagine pas une université où on n'enseigne pas l'économie. Disons que je n'envisagerais pas qu'on puisse appeler université un ensemble où il n'y ait pas à la fois, disons, des sciences de l'esprit, je veux dire des mathématiques, des sciences de la nature, des sciences de la société et de l'humanisme. Enfin, bon. Je souscris entièrement à ce qui vient d'être dit. Je viens d'ailleurs de revenir d'une université où j'ai demandé, qui était neuve presque, j'ai demandé comment on commençait une université. Et on m'a dit, bon, on commence par construire un théâtre. Et la première chose qu'on doit construire sur un campus, c'est un théâtre. Et il y avait, dans cette université jeune, un musicien en résidence, pour répondre, et un théâtre. Et puis, il y a des départements qui se créent peu à peu, mais je crois que cette construction autour du théâtre consolera le sociologue que vous êtes, car cela correspond à un vrai sens de l'université. Et il est extraordinaire de voir que nos facultés, traditionnellement, sont en fait des facultés toutes professionnelles. Et pauvres dans leur contenu. Dans lequel, qui ont soigneusement mis à l'écart ce qu'on appelle les beaux-arts, traditionnellement. Comme dans les manuels d'histoire, c'est toujours un chapitre à la fin. C'est exclu du domaine universitaire. Je crois qu'il faudrait aussi dire ces mêmes choses à un niveau beaucoup plus élémentaire. Une université, je crois que c'est pour tout le monde nécessairement un certain espace. C'est un endroit calme. C'est un endroit où on peut réfléchir, où on peut travailler, d'abord parce qu'on a une chaise et une table, où il n'y a pas un environnement, un paysage qui soit par trop rebutant. Je ne veux pas faire de critique à la faculté des sciences de l'Université de Paris, mais enfin, il est fâcheux qu'un des bâtiments les plus laids construits à Paris soit une faculté. Et dans ce site. Et dans ce site. Oui, je crois que tu soulèves là Ça prouve que la société ne prend pas au sérieux son université. Alors, ces facultés nouvelles, belles et idéales? Créées il y a près de 4 ans maintenant pour accueillir le flot croissant des étudiants de la région parisienne, le campus de Nanterre se veut une université pilote, une faculté expérimentale pour un nouveau modèle de vie universitaire. Pour l'heure, c'est un vaste chantier où se dressent dans la boue d'un terrain vague des blocs flamboyants de verre et de béton, préfiguration d'une université anticipatrice. À proximité de Paris, mais sans milieu urbain réel, sans environnement humain, le complexe universitaire de Nanterre est une sorte d'alpha-ville déjà saturée dans laquelle se bousculent plus de 12 000 étudiants. Écoutons le doyen Pierre Grappin nous décrire l'université de Nanterre. Et nous sommes au milieu d'un terrain que nous appelons le domaine universitaire de Nanterre et où vous voyez aujourd'hui des bâtisses finies qui sont, dans l'ordre de leur naissance, la résidence universitaire, qui comporte quelques 1400 chambres, le bâtiment qui va recevoir l'Institut d'études politiques, qui est achevé et où on commence à travailler, le bâtiment qui va abriter le collège juridique, un élément de faculté de droit, qui est en cours d'achèvement, et puis, et c'est probablement la principale originalité de notre ensemble universitaire, un centre sportif qui a été mis en fonctionnement il y a quelques semaines, au début de janvier dernier, où vous pouvez voir une piscine aux dimensions des piscines de compétition de 50 mètres de long, avec des salles de sport nombreuses qui sont groupées là autour et qui constituent l'élément central de tout un ensemble de terrains de jeu qui vont être réalisés progressivement. C'est là probablement un élément assez nouveau dans une université française, côte à côte, sur le même terrain, ensemble, porte à porte, un stade et des établissements d'enseignement. Ça réalise un urbanisme universitaire à peu près complet, alors, au moins dans les années à venir, ce sera... Et ce qui est en train de se réaliser, ici, est en effet un ensemble universitaire qui est, je crois, d'un type nouveau. Lorsqu'à la rentrée prochaine, fonctionneront ici une partie de la faculté de droit, avec des effectifs, je crois, assez nombreux, d'étudiants de première et de deuxième année, une partie de l'Institut d'études politiques, la faculté des lettres, qui aura encore grandi en octobre prochain, la résidence universitaire, tout cela groupé autour du centre sportif. Il reste un bâtiment à construire, un bâtiment qui était pour nous essentiel et dont la construction est trop tardive à mon gré, c'est la bibliothèque universitaire. Le chantier est ouvert, vous pouvez le voir. On nous promet une réalisation dans le délai d'un an pour certaines salles de lecture, mais cette bibliothèque, dont le projet est magnifique, qui sera, je crois, la plus grande bibliothèque universitaire de France, ce projet, pour sa complète réalisation, demande encore 2 à 3 années. Nanterre, on y reviendra lors d'une prochaine émission. C'était les années 60, aujourd'hui 1968, deuxième émission.